Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, une histoire du dance floor, une série de Perrine Kervran réalisée par Anne Pérez. Au départ de cette série, il y a des nuits volées au sommeil et le plaisir de sentir le cœur cogner et les basses vibrer dans l'estomac. La danse à en avoir mal aux pieds et se demander ce que nos façons de danser disent de nos sociétés. Et puis, il y a le plaisir de la clandestinité, de l'utopie et de la marge jusqu'à danser dans les bois. Alors pour commencer les personnages, un roi du dance floor qui s'est mis au vert, un DJ qui s'est profité des belles choses, une autre qui n'en est pas revenue, un spécialiste des musiques électroniques, un squatteur qui a le sens de l'accueil, un musicologue qui a beaucoup pratiqué la rêve et une DJ qui fait danser les foules. Ensuite le décor, des clubs gays parisiens, des murs d'enceinte, des ruines urbaines, des usines désaffectées, des champignonnières, des bords de mer, des nuits sous les étoiles, l'odeur de la garrigue, de la drogue, des camions comme des maisons et la musique pour tout oublier et tout s'autoriser. Aujourd'hui, 4e épisode, on ne s'entend plus. Il paraît qu'il y avait un mur de slime. Tu sais, c'est cette pâte qui dégouline, on dirait de la morve et autres. Donc il paraît qu'il y avait un grand mur, ils avaient monté ça exprès de slim. Ils avaient des espèces de moquettes bizarres dans lesquelles on rentrait dedans. C'est une texture très spéciale, un peu comme de la mousse, mais dans laquelle tu peux la rentrer dedans et bon, qui se déforme. Et non, mais c'est vrai, ou dans laquelle tu te fais avaler, quoi. Le pari était d'envoyer un laser jusqu'à un satellite qui devait le renvoyer. Bon, ça n'a pas marché, oui. On me l'a dit, ça n'a pas marché. Mais bon. I love you for you. Je crois qu'au bout du voyage de chaque individu, c'est le bonheur. On cherche le bonheur. On regarde plus sa montre, le temps n'existe plus, le temps est aboli, et on cherche au moins 5 minutes pour être heureux. Le retour à la nature des free parties. C'est la tête dans les étoiles. La tête dans les étoiles, c'est le fun, c'est tout ce qui est finalement. C'est pas réaliste, quoi. Comme toujours, on leur disait que c'était mieux avant. On leur disait qu'avant, tout était possible, que l'amour était libre et l'époque aux expériences. Alors ils en ont eu marre. Non seulement il y avait le sida, mais en plus, l'époque était rude. Les discothèques étaient chères, la musique était pourrie, et puis la moquette se décollait, ça sentait l'humidité, et tout commençait à fermer. Mais eux aussi, ils avaient envie de liberté. Et puis surtout, ils voulaient de la bienveillance et s'étourdir pour oublier. Se noyer dans la musique, se perdre dans les bois, s'échapper dans les ruines urbaines et danser un monde meilleur. Bref, il leur fallait des sanctuaires. Des lieux sûrs pour se mettre à l'abri. Le palace a périclité, mais quand même, le début des années 80, c'était une période qui était quand même très riche. D'abord, encore une fois, Didier Lestrade. La gauche arrive au pouvoir, le Marais commence à s'organiser avec les premiers bars. Beaucoup de clubs s'ouvrent, le Broad, le BH, Haute Tension. Au contraire, le début des années 80 à Paris, au niveau gay, je parle au niveau gay, est une période d'expansion énorme. Donc, c'était une sorte de preuve, encore une fois, dans le militantisme gay, que la culture homosexuelle avait un potentiel populaire international. Donc, c'est pendant les années 80, je dirais, que l'Europe a créé sa propre club culture. Et tout ça a débouché en 86-87 vers l'explosion de la house. Donc moi, il y a que le sida qui a commencé vraiment à marquer une sorte de récession dans les années 80, mais la musique était tellement bonne dans les années 80, franchement, que en fait, je n'ai pas arrêté de danser pendant toutes les années 80. Laurent Garnier a 24 ans. Il est disque jockey à Paris et la house music est sa spécialité. Il vient en Angleterre une fois par mois pour faire le plein de disques. En moyenne, il en achète ici une centaine. Several hundred pounds immediately. No way, no way. How are you? Il y a déjà 1400 tickets vendus. En plus, ils vendent les tickets au marché noir à 300 balles. Pour ce soir, ça va être quelque chose. Ça va être grandiose. En 89, je travaillais à la locomotive à Paris. Laurent Garnier, Cécile Mulot, mixait du rock'n'roll pour nous. Il ne mixait pas encore de la techno en fait à cette époque. Et un jour, la chargée de prod de la loco nous a pris un jeudi par mois pour la Hacienda de Manchester. Et donc, il descendait en fait avec un bus rempli de DJ, raveurs, drag queens. Et c'était vraiment le début des grosses rêves sur Paris. Et là, ça a été. Moi, j'avais 16 ans. Et ça a été une révélation en fait. Bon, il y avait quand même des soirées au palace, il y avait comme. Mais c'était house, c'était l'acid house en fait. Enfin, pas l'acid house, l'acid musique. Hein. C'était vraiment avec les petits smileys jaunes. L'apparition de la house, je l'ai d'abord vue dans des clips. C'était un peu énervant parce que les premières rave parties que j'ai vues, en fait, j'y étais pas. C'était les premières raves anglaises. Et j'étais émerveillé par ce que je voyais, parce que c'était dans des hangars, c'était le petit matin. Je voyais qu'il y avait de tout, des blancs, des noirs, des filles, des garçons. J'étais vert de jalousie. Et puis, bon, il y avait, bien sûr, la Luna avec Laurent Garnier. La Luna était un club gay à côté de Bastille. Et Garnier a été vraiment ce lien entre la scène de Manchester et la communauté gay. C'est-à-dire que c'est parti d'un petit club et tous les autres clubs ont suivi parce que la house était irrésistible à cette époque-là. C'était l'air du temps. Enfin voilà, on avait envie de cette musique de toute façon. On avait envie d'un changement. On avait envie de passer à autre chose aussi, parce que fin 80, on écoutait des trucs des années 70 encore en boîte de nuit, ou de la funk, ou de la disco. Voilà, donc il y avait besoin d'un renouveau de toute façon. Hein. En plus, la jeunesse gay aussi commençait à s'émanciper justement. En fait, il y avait grâce aux lieux comme le Boys ou je sais plus. Enfin, il y avait d'autres boîtes. C'était tellement nouveau en fait que voilà quoi, ça nous a tous sauté aux yeux. Je pense que c'était essentiel. Enfin, c'était une évidence en fait que c'était quelque chose de frais qui arrivait et un bouleversement musical, je pense. Je crois que la house, surtout pour la communauté noire aux États-Unis, a été un exutoire face à la maladie. Non seulement parce que, bon, à l'époque-là, blancs et noirs, on était tous dans la même merde parce qu'il n'y avait pas de traitement, mais je crois que les noirs étaient encore plus affectés parce que c'était leur musique. La house est née à Chicago, le garage est né à New York, le leg de la musique noire dans la house est énorme, et je crois que les noirs ont encore plus souffert de la peur du VIH et ils sont plus affectés même aujourd'hui, hein, on le voit dans le nombre des contaminations et tout ça. Moi, j'ai vu ça, par exemple, dans les clubs de Junior Vasquez à New York, où on voyait vraiment que les Noirs, les Latinos qui venaient dans ce club-là tous les week-ends avaient une dévotion qui n'était pas celle qu'avaient les Blancs. Les Blancs allaient dans un bon club, les Noirs allaient à l'église. Les Noirs vivaient à travers la musique toute la difficulté qu'ils avaient traversée pendant la semaine. Nous, on avait le militantisme dans une certaine mesure pour nous diriger. Les Noirs n'avaient pas vraiment ça et donc c'était vraiment une manière de pouvoir tenir. Et ce qui est impressionnant, c'est la prise aussi rapide du public en fait sur ce mouvement en fait. L'attente qu'il y avait de la jeunesse en fait par rapport à ce mouvement en fait. C'était fou en fait. Assez rapidement, voilà, il y a eu des raves à 2, 3, 4 000 personnes assez rapidement, dès 92, 93. Et voilà, et fin 90, on était à 10, 20 000, 30 000 en fait. Hein, donc il y avait un ras-le-bol, je pense, en fait, de la jeunesse en fait. Au niveau des boîtes de nuit, où tout était cher, trop cher de toute façon pour tout le monde. Les armadas de videurs à l'entrée, même l'ambiance générale, enfin c'était la drague à deux balles, enfin voilà quoi. On pouvait arriver en rave habillé n'importe comment, tout le monde nous foutait la paix quoi en fait. Hein. Et ça c'était génial, hein. Alors qu'en boîte de nuit c'était un enfer à l'époque. Enfin. Et donc voilà, c'était voilà, il y avait surtout cette liberté dès le début en fait qui était intéressante. Hein. C'était un espoir politique aussi. Les années 80 sont le seul moment peut-être où les gens ont encore un espoir d'un monde meilleur. La house est faite pour essayer de changer le monde, pour qu'il y ait moins de racisme, plus de tolérance, plus d'universalité, la fin de la guerre et tout ça. Bon, ben, on a très bien vu que 20 ans après, c'est pas vraiment ça. Mais à l'époque, l'espoir est réel et il n'est pas naïf. Il fait partie d'une sorte de continuum historique qui fait que on se dirige vers la fin du XXe siècle et forcément il y a un compte à rebours et la société doit s'améliorer. C'est le message de SOS Racisme, de tout ça. Tout ça va être récupéré, mais on est encore jusqu'à la fin des années 80 dans ce rêve-là. C'était une petite communauté en fait sur Paris, tout le monde se connaissait en fait. À partir du moment où au Folies Pigalle, on croisait les mêmes qui allaient au Queen, les mêmes qui allaient au Palace, et puisqu'on parle de Paris. Chloé Thévenin. Parce que dans le Marais, à l'époque, c'était plus les soirées gays, de la même façon que Radio FG, c'était FG qui voulait dire fréquence gay au début. Donc c'était, tout ça était très lié, quoi. La musique électronique est très liée au mouvement gay. Je crois que cette musique-là m'a vraiment attiré aussi de par en fait son aspect un peu politique en quelque sorte. Yeah, that's the Madison. Tall is a prerequisite. Oh yeah. Yeah, it's quite young. Ready for tall. Je pense que la place des filles est fondamentale dans le clubbing. C'est parce qu'il y a des filles que les gens se comportent bien. J'ai été très marqué par les filles de la culture anglaise, on les appelle les Tracy and Sharons. Depuis les années 80, elles vont en club et puis elles ont leur sac à main et elles le posent sur le dance floor et elles dansent autour du sac à main. Elles posent leur sac à main parce qu'elles veulent pas danser avec leur sac à main, elles veulent pas le mettre au vestiaire parce que c'est dangereux, donc elles le mettent sur le sol et elles dansent ensemble. Du coup, dans cet espace-là, on peut pas faire le con parce qu'autrement, on bouscule les gens et du coup, on marche sur les sacs à main. Donc, c'est une manière un peu géographique de dire, on nous respecte là. C'est nous. On est là. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré. Et je me suis dit, il faut absolument des Tracy and Sharons partout dans un club comme ça pour réguler l'énergie des mecs. J'ai vu qu'il y avait des constances dans la manière de se comporter dans un club. Moi, j'ai un bouquin du Saint à New York où carrément, il y a les règles qui sont sorties. Ils disent jamais, jamais, jamais traverser le dance floor. Le dance floor, c'est un endroit sacré où les gens dansent. Ils sont déjà entre bandes ou entre amis. On ne va pas traverser le dance floor pour aller chercher quelqu'un en bousculant les gens. Ils sont déjà dans leur truc. On fait le tour du dance floor. Je voyais bien qu'il y avait une manière d'accompagner la nuit comme si c'était pas de l'opéra, mais comme s'il y avait quand même tout un paquet de règles derrière, qui n'étaient pas des règles d'enfermement, mais des règles au contraire de respect par rapport aux autres. Alors, dès qu'on l'agite un peu, ça sent très bon. À l'intérieur, il y a une goutte de terre parfumée à la cannelle, à l'encens, à l'ambre, pardon. Un objet simple, comme une espèce de morceau de quartz qui sent en métal et qui en plus aurait une odeur. Ouais, c'est pour rêveur en fait. Guillaume Kosmiki, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les rêves et les free parties sont arrivés en France? Au moment où elles explosaient en Angleterre, on va dire en 1988, on parlait là-bas du Summer of Love, enfin du second Summer of Love, hein, puisque c'était 20 ans après 68. On a eu quelques échos en France. C'était la grande mode de la house music, mais de manière beaucoup plus cachée, il y avait quelques raves qui s'organisaient, plutôt en région parisienne. D'abord par des collectifs d'anglais qui eux-mêmes passaient la Manche et déjà amenaient cette culture dans quelques clubs parisiens, par exemple le Rex et quelques autres. Le phénomène a grandi petit à petit en 89-90, mais vraiment l'explosion des raves en France, c'est 91-92, hein, quand le phénomène vraiment commence à se généraliser bien au-delà de Paris. Et puis, il y a un moment très important, on va dire en 93, Alors que la répression s'intensifie en Angleterre, tout particulièrement avec un gros rassemblement de travelers. Alors là, c'est plutôt sur une culture plus underground que ça se passe en Angleterre. Un rassemblement qui se tient à Castle Morton, sur lequel vont se déchaîner des forces de répression, des forces policières. Ça passe beaucoup dans les télés anglaises. Et tout particulièrement, il y a un collectif qui est particulièrement montré du doigt, qui s'appelle les Spiral Tribe, qui sont tous arrêtés. Leur sound system est saisi. On leur interdit de se rassembler pour organiser ce genre de fête hein, qui a été largement montré du doigt en Angleterre. Ils se disent pour eux, l'Angleterre, c'est fini. Il faut amener ailleurs la techno et presque, ils disent, la bonne parole techno. Ils se disent en mission. Hein, il y a ce terme-là qui revient très, très fréquemment chez eux et chez tous ceux qui vont les suivre, d'ailleurs, en France et ailleurs. On parle de la mission techno. On parle d'amener cette bonne parole, cette utopie, ces valeurs ailleurs qu'en Angleterre. Et ils commencent à le faire, donc... avec la France. On va retrouver Simon du groupe Spiral Tribe au cours justement d'une pérégrination. Je suis très heureux dans mon camion. Nous sommes en Sicile actuellement. Il y a une bonne énergie qui se dégage là-bas. On a un sound system de 30 kilos. Ça marche bien, il fait beau. Moi, je déteste avoir le même jardin sous les yeux tous les jours. Nous, ça change tout le temps. Un jour, la plage, le lendemain, un entrepôt pour le week-end, la campagne. Avec un 4x4, on peut aller partout. Le seul côté négatif, c'est que les gens te regardent comme une poubelle ambulante. Mais on a tendance à oublier que le genre humain a toujours été nomade. Je ne sais plus trop comment je les ai rencontrés, au cours d'une fête, très certainement. Et puis, bon, c'était enivrant, je veux dire, c'était unique. Josie Jean-Louis. Je crois que peut-être ceux qui ont vécu dans les années beatniks, etc., peut-être ils ont connu un espèce de truc comme ça. J'ai l'impression qu'on passait à autre chose, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je sais pas, cette impression aussi qu'il fallait qu'on fasse quelque chose là, tout de suite, maintenant, essayer de trouver un autre modèle, parce que... peut-être le modèle dans lequel on était, c'était pas le bon. Et les spirales, c'est ça qu'ils ont montré aussi. Et eux, ils ont appris en même temps que nous. Quand ils sont arrivés en France, hop, ça a marché, mais du feu de Dieu. La France, faut le dire, les gens en avaient marre. Ils voulaient quelque chose, ils voulaient s'amuser, ils voulaient être libres. Les spirales, bah, c'est ce fameux sound system anglo-saxon qui est aujourd'hui, en fait, quelque part, une religion de la rave underground. Voilà, où, c'est pas si loin d'être des gourous quelque part, voilà, mais dans quelque chose de positif, disons-nous. Voilà, c'est eux qui ont transformé, dirons-nous, la rave underground européenne, en fait. Donc là, on continue avec quelqu'un issu donc des premières fêtes gratuites, à savoir des Spiral Tribe. L'artiste s'appelle Crystal Distortion. Personne n'oubliera ce premier festival Technival, c'était juste magique. C'était à Beauvais. En 92 ou 93, c'était vraiment extraordinaire. Des taxis qui arrivaient, des gars en costard. On a tout vu, je crois. C'était le moment où les gens... Enfin, il n'y avait pas de code vestimentaire. Tout le monde était habillé comme il venait. C'est-à-dire le gars avec son attaché-caisse et sa cravate. Il y avait de tout. Et ça, c'était nouveau pour vous ce... Ah bah complètement. Complètement. Ce concept d'un gros sein de système au milieu d'un champ avec des gens, avec des tentes, des petits stands, des lights et tout. C'était la première fois qu'on voyait ça. Moi, j'avais jamais vu un truc aussi gros, en tout cas. Hein, et aussi bien organisé. Mais là, c'est qu'on monte les grilles sur les deux derniers caissons, qu'on charge tout dans les camions. Là, on va ressortir mon rack avec les plateaux dedans, tout ça. Comme ça, on va pouvoir faire directement les branchements, tout ça, sur les tables de mixage. De sorte que quand on arrive là-bas, on n'est plus qu'à ouvrir le rack et... Après, comme ça, on n'aura plus qu'à monter le mur, sortir les câbles, brancher les caissons, tout ça. Et voilà, alors, un Technival, ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin de sound system pour organiser un Technival, hein, puisqu'on fait venir les sound system, en fait. Hein. Donc après, c'est liberté totale. Hein. Le premier qui arrive, il s'installe. Le deuxième, il s'installe où il veut. Et c'est ce qui est intéressant, en fait. C'est ce que j'aimais dans ce mouvement, en fait. C'est la liberté totale, la liberté d'agir, tout en respectant les uns et les autres, en fait. Première chose, c'est la... Il y a l'idée d'un collectif, il y a l'idée d'une communauté, d'une famille. On parle un peu avant ça, on parle là, d'ailleurs de la House Nation. Là, on parle de la famille, de la tribe, de la tribu. C'est l'idée que se retrouveront dans ces des événements, finalement, tous les individus, quelle que soit leur appartenance sociale, leur niveau d'études, leur couleur de peau, leurs moyens financiers, c'est la musique qui compte avant tout, c'est l'être ensemble qui compte avant tout. Et donc, il y a cette idée, voilà, d'une collectivité techno. Ça, c'est quelque chose de très fort, de très important. La deuxième idée forte, c'est celle de liberté. Montrer qu'un autre monde est possible, je dirais que l'idée que la vie nomade est possible, qu'on peut établir des fêtes qui n'ont pas de limite dans le temps, elles commencent, on ne sait jamais quand elles vont terminer. Donc on remet en question aussi le temps quotidien, le temps du travail, le temps de la société, je dirais. Ils sont loin de leur confort, et ils apprennent la vie, il y a une sorte d'école de la vie là derrière. On parlait d'une sorte d'auto-initiation à l'âge adulte, c'est aussi une sorte de rituel dans une société qui n'en a plus beaucoup. Mais pour nous, en fait, à la fin, ça devenait carrément des lieux de vie, puisqu'on était, on s'était organisé, on avait des camions, on habitait dedans, qui étaient, disons, aménagés sommairement, on s'en foutait. Hein. Enfin, c'était surtout le son. On vivait au-dessus des enceintes, en fait. Hein. Quand on mettait le son, on avait nos matelas dessus. Quand on enlevait le son, on avait les matelas par terre. On s'en foutait, on prenait une douche toutes les trois semaines. Enfin, voilà, quoi. Le but, c'était... Je vivais techno, quoi, en fait. Hein. Rêve, enfin, voilà. Paris, 5h du matin, nous sommes dans le quart qui part à Rennes. Devant nous, les maraîchers déchargent beaucoup de pommes de terre. Ici, la radio est déjà branchée sur LG, donc je pars pour Rennes, pour la rêve annoncée avec Dior, tout un tas d'autres DJ. Il y a un concept d'un philosophe qui s'appelle Akimbe, qui est américain, qui a vu son livre traduit en français au début des années 90, c'est un livre qui s'appelle Taz. Temporary Autonomous Zone, c'est-à-dire zone d'autonomie temporaire. Et ce concept de TAZ correspondait parfaitement à ce genre d'événement, c'est-à-dire un événement qui s'installe sur un lieu, temporairement, qui génère dans ce lieu un esprit libertaire, mais qui disparaît avant même qu'on puisse l'identifier pour réapparaître ailleurs et avant même qu'on puisse soit s'en emparer, la société de consommation le récupère, soit le punir, hein, agir sous la forme d'une répression, hop, il s'en va, il disparaît, il s'en va ailleurs. Donc c'est exactement ce qu'étaient ces free parties, ces Technival, des TAZ. Alors, il y a eu une proximité de vocabulaire, l'ecstasy avait un de ses surnoms qui était la TAZ. Donc TAZ, évidemment, ça a aussi fait sa fortune, hein, quelque part. Pas uniquement, hein, mais enfin, ça a dû servir aussi. La technologie free party, c'est plutôt un groupe électrogène, un sound system, des platines, terminé. Hein. C'est plug and play. Ça, vraiment, dans la musique techno, c'était très clair, peut-être plus que dans la musique disco. Montrer un autre monde, peut-être le construire. Parce que dans la musique techno, et dans les raves et dans les free parties, il y avait aussi ce discours de dire, mais nous, on est en train de construire le monde de demain, on danse sur les ruines de l'Occident, demain, ce sera comme ça qu'on fera, on se comprend même de manière internationale, on va en Tchéquie, on danse sur la même musique, on se retrouve, on se parle, on est des frères, on est proches de tout ça, donc on va construire un nouveau monde. J'ai autant de bons souvenirs dans la nature que, à la rigueur, nous on appelait ça les lieux industriels, les temples techno, en fait. Hein. Les deux avaient leur charme, en fait. Hein. Parce que à la rigueur, le côté béton était génial la nuit, en fait. Hein. C'était génial. Ce moment où le soleil se lève à travers des colonnes de béton ou autre, voilà, ça a son charme. Je sais pas ce que c'était comme lieu, je sais pas pourquoi ça avait été fabriqué, mais c'était quand même un temple grec en fait, hein, une espèce de panthéon comme ça, avec des colonnes énormes tout en béton, en fait, complètement abandonné. Hein. On en a fait quelques-unes là-bas. C'était magnifique en fait, hein. Ça collait tellement à cette musique quand même, voilà, très, très urbaine, hein. Mais c'était bien aussi de pouvoir aussi la mettre aussi dans un cadre bucolique aussi. Enfin, non. Le but, c'était d'être ensemble, hein. Et de danser le plus longtemps possible. Et de danser, voilà, et de danser. C'était en fait le processus que j'avais attendu depuis le tout début, depuis la frustration des années 70 en province, avec des patrons qui, grosso modo, arnaquent les gens, hein, surtout sur l'entrée, les consos, l'ambiance, tout ça. Après, le côté jet-set de Paris, on ne rentre que les riches et célèbres. Après, le côté quand même gay, mais où, faut pas oublier, il y avait quand même beaucoup de tri sélectif à l'entrée envers les Noirs et les Arabes. Moi, je suis pas allé au Boy, par exemple, qui est considéré comme un club super important de la house, parce que j'ai vu plusieurs fois des Arabes se faire refouler à l'entrée. Je me suis dit, bon, ben, je boycotte, j'y vais pas, je peux pas accepter ça. Et pour moi, la musique, cette musique, c'est opposé à ça. Donc, la rêve en extérieur, pour moi, était le rêve complètement de Vienne qui veut. On part du principe que les gens ne vont pas foutre le bordel parce qu'il y a plus de place, parce que. Mais il y avait cette liberté de rencontrer des gens qu'on n'avait jamais rencontrés ou de retrouver des gens qu'on avait connus dans le système du clubbing et qui étaient contents de se retrouver dans un environnement libre. Et puis, moi, ce qui a été... j'ai radoté là-dessus pendant toute ma vie professionnelle, c'est... l'importance de danser avec les éléments, l'importance de danser même quand il fait froid, avec l'hiver, la boue, les arbres, le brouillard le matin, mais aussi le soleil qui se lève, la chaleur qui revient, des fois l'eau, la mer, la rivière, la nature. Je pense que la rêve, c'est son apport le plus important. C'est pas la qualité de la musique. D'ailleurs, il y a plein de trucs merdiques dans les rêves et tout ça. C'est le fait de casser les murs et de mettre les gens à nouveau dans un côté naturel, chamanique. C'est-à-dire, on danse avec... s'il pleut, ben il pleut. Donc, danser à l'extérieur a changé la musique, a changé même la texture de la musique. Il y a des disques qui sont faits pour des petits clubs, il y a des disques qui sont faits dans des grands clubs, il y a des disques qui sont faits pour la nature. Bah non, on va décoller là bientôt, on attend l'info et on se barre. Donc on se trouve à l'Andivisio sur le parking de Monsieur Bricolage et donc voilà, on attend le convoi de départ pour partir en teuf. On ne sait pas encore exactement où, mais voilà, il y a déjà pas mal de monde. Une bonne cinquantaine de bagnoles avec des jeunes gentiment excités. Ça commence à avoir un peu le goût de la transgression. Allez les gars, on y va là. Pierre. Les gars, on y va. Non mais non, on dégage. C'est bon, l'inscription est arrivée, tout est en ordre, on peut y aller. C'est ça qui est génial, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait que des cabines téléphoniques, des petits réseaux dans des squats un peu à droite à gauche, des flyers, c'était le début de la photocopie aussi, hein, fin 80, début 90, enfin, donc c'était simple en fait, voilà, quelques flyers, une cabine téléphonique, alors je sais qu'il y a eu le 3672. Alors, si je me souviens bien, donc on tapait 3672 avec sa carte de téléphone dans la cabine. Et là, on faisait un code qui était sur le flyer, en fait. Et on accédait à une messagerie vocale qui donnait l'endroit, en fait. En général, les organisateurs divulguaient l'endroit à partir de quand ils avaient réussi à rentrer, installer le sound system. Ils mettaient l'info sur l'infoline, on appelait ça l'infoline en fait, et les gens appelaient voilà à partir de 11h frénétiquement en fait en espérant que l'adresse était jusqu'à ce que et voilà et ça rassemblait voilà, des milliers de personnes en fait. Alors après ouais c'était ça, on était tous en voiture ou en transport en commun ou où il y avait certaines organisations aussi comme les psychiatriques à l'époque, ils faisaient des super rêves sur Paris là, des rêves hardcore, eux ils affrétaient des bus carrément, en général ça partait de Porte de Bercy en fait. Et voilà, quoi, ils acheminaient les gens comme ça toute la nuit. Et donc ça créait en général des sacrés embouteillages. Ce qui était génial, c'est que les flics à l'époque étaient complètement débordés, donc en fait ils nous laissaient tranquillement aller, puis ils préféraient de toute façon voilà qu'on aille s'enfermer dans notre déchetterie ou notre zone industrielle abandonnée toute la nuit. Et donc voilà, ça se passait comme ça. Donc en fait, des fois on marchait, des fois pendant 10 minutes dans une forêt la nuit ou voilà dans les décombres voilà de déchets industriels pour arriver jusqu'au lieu de la fête. Et puis après, à partir du moment où ça démarrait, voilà, disons que la célébration commençait quelque part en fait. Donc c'était vraiment le leitmotiv de tout le monde quoi. Je me souviens passer des 10 heures, 12 heures sur le dance floor en fait. Hein. À danser non-stop, mais vraiment, c'est voilà, on était là pour ça en fait. Ça sentait le thym, ça sentait les odeurs vraiment très caractéristiques, et on se retrouvait, on était une cinquantaine ou une centaine, et le matin est arrivé surprenant, alors qu'on se pensait en plein cœur de la nuit en fait. Hein, tout était un, la musique, les lumières, les gens. Il y avait cette idée voilà d'unité absolue, se ressentie au fin fond de son corps. Et dans la danse, enfin qu'on matérialisait par la danse, c'est une danse collective, hein, vraiment. Et on pouvait danser au milieu des arbres, au milieu de la nature, enfin se tourner vers un arbre. Enfin, il y a quelque chose de très fort dans ces moments-là. Ça a l'air de rien quand on le dit comme ça, mais c'est une puissance absolue. Et vous dites souvent qu'il y avait aussi une expérience holistique. Oui. Ma génération a été marquée par le sida, donc on a compris aussi que cette maladie, c'était pas que seulement un virus, c'était aussi une maladie de la modernité, des cofacteurs, du mental, de la peur. Et donc forcément, les années 80 ont vu une force du New Age qu'on n'avait pas vu depuis les années 70 avec les babas, les années 60 et tout ça. Et moi, j'aimais assez ce renouveau du côté baba dans la house. Il y avait un côté friendly qui se retrouvait dans les pochettes de disques, dans tout ce qu'on a appelé le baléarique, c'est-à-dire que quand même, une des influences les plus importantes justement de la rêve et du fait de danser dehors, c'était Ibiza. Moi, la première fois que je suis allé à Ibiza et que j'ai dansé dehors, mes yeux se sont ouverts, quoi. C'est-à-dire, je n'avais jamais dansé dans un endroit qui était si proche de la mer, en plus dans un endroit un peu comme les Baléares, qui sont un peu de toute façon considérés comme un endroit tellurique et tout ça. Donc, tous les disques de la house du tout début de 86, 87, 88 sont très là-dedans. Que ce soit les disques américains ou les disques anglais, la nature a énormément d'impact. Il y a des samples de ruisseaux, de vagues, de vents, de baleines, enfin, la nature est très importante et elle fait partie dans le message de la musique noire sur une nouvelle possibilité de se libérer. Free again. Parmi les plus grandes émotions que j'ai pu vivre, c'est quand je suis parti à l'étranger. Par exemple, quand j'ai vécu le Technival de l'Eclipse à Ozora, en Hongrie. Là, le son s'est arrêté, l'Eclipse est arrivée. Il y a des chiens qui se sont mis à hurler, à courir, tout ça. Enfin, il y a eu un vent froid qui est arrivé. Puis d'un seul coup, la musique est repartie. Ce qui se passait dans les rêves, c'était quand même une perte des repères. Je me rappelle des soirées dans des champignonnières où carrément il y avait que un énorme stroboscope, que des fumigènes, c'est-à-dire on voyait même pas au bout de ses bras. Et là, on est vraiment dans un truc. Il y a plein de monde dans la salle, mais on n'y voit plus rien. Il y a que la clameur, les bruits, la musique et tout ça, donc on peut même pas s'orienter. On est vraiment dans un mystère. En plus, pour nous, petits blancs, la transe est quelque chose qui est pas forcément mis en valeur, mais c'est quelque chose qui est connu dans toutes les fêtes bretonnes, dans toutes les cultures régionales. Il y a ce moment de transe qui aboutit à un niveau de conscience qui est pas forcément génial, mais en tout cas qui fait du bien. L'extase, bien sûr, a été une drogue de transe. Hein. C'est une drogue quand même qui a eu tellement de succès dans les années 80 parce que tout d'un coup, les gens se trouvaient avec une drogue qui n'était pas trop forte, qui n'était pas hallucinogène, qui donnait de l'énergie, qui rendait les gens gentils. Bon, ben c'est pas souvent qu'une drogue rend les gens gentils. Dans ce mouvement, la transe est cultivée, hein, je dirais. C'est un état qui est recherché, qui est encouragé. Mais parmi les inducteurs qu'on trouve dans ce type de fête, et bien sûr, il y a la danse. Et cette danse, c'est une danse de groupe. C'est une danse de masse, une danse où le corps dansant est celui de tout le monde, en fait. Hein, chacun va intégrer ce corps particulier. Cette danse va faire que l'individu aussi se dissout dans la masse, quelque part. Et la musique elle-même va intégrer hein, complètement ce groupe-là. Et dans cette construction musicale, d'ailleurs, tout va vers là. C'était ressentir la basse en fait. Ce qu'on voulait, c'était ressentir les fréquences hein. Physiquement aussi. Voilà, que ça nous prenne en fait, hein, que ça nous prenne dans les tripes en fait. Hein. C'est vraiment l'expression. Hein. Et ça, moi je me souviens d'avoir peut-être des rangées de 10 de Bolivine les unes à côté des autres, en général doublées en plus, en hauteur. Plus voilà, donc on avait des murs des fois qui faisaient 15 mètres de long sur 3-4 mètres de hauteur en fait. Hein. Et là, la fréquence, elle est magnifique. Et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose, soit dans le mix, soit dans le fond, d'une percussion de quelque chose. Et tout d'un coup, je vois 1000 personnes en train de crier les bras en l'air. J'ai du mal encore aujourd'hui à l'expliquer. Tout le monde se droguait de toute façon, hein, faut pas non plus se mentir là-dessus. Et ça va avec le mouvement, on décollait, quoi. On avait les pieds qui ne touchaient plus terre et on rentrait dans une forme hypnotique, chacun avec ses délires, certaines fois en télépathie avec des personnes qu'on n'a jamais vues de notre vie, où on pouvait communiquer pendant des heures et puis après on les revoyait plus jamais. Enfin, donc voilà, c'était assez marrant. Et c'était très dur le matin quand ça s'arrêtait. C'était très dur de vivre sans son, en fait, au bout de 10 heures. Enfin, c'était presque une punition, en fait. On avait ce boum-boum dans la tête, en fait, permanent, en fait. On rentrait avec comme si on avait un tambour de machine à laver qui tournait en boucle, comme ça, dans notre esprit, en fait. C'était la seule envie, c'était d'y retourner le week-end prochain, en fait, le week-end d'après. C'est un moyen de sortir tout ce qu'on a à l'intérieur sans faire de mal à personne. On peut communier sur le dance floor parce qu'on sent la personne à côté, donc on est tous en communion. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça. Il y a des moments, je me disais, tiens, on dirait presque une messe, mais sans Dieu, sans personne, juste avec la musique. Mais c'est une célébration, voilà, c'est pas une messe, c'est un mot un peu trop fort, mais une célébration tous ensemble, tout simplement. J'ai le souvenir, justement, mais ça, c'est très psychédélique et ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça, je crois que c'est quand vous êtes vraiment à la microseconde dans le temps parfait de la musique. Et je me souviens, enfin voilà, avoir un moment où, en fait, où l'air se pixelisait, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein. C'est tellement parfait, la musique que vous faites, le dance floor est tellement en harmonie avec vous. Voilà, c'est comme si vous étiez connecté avec un cordon ombilical, avec tout ce dance floor. La moindre note que vous envoyez, elle est pile poil à la seconde près, est-ce que tout le monde attendait tout ça. D'avoir comme ça tout qui se... L'air, tout devient palpable, en fait. On voit ce que les gens respirent, on voit les molécules. Ça fait comme s'il y avait des paillettes, en fait, qui sont dans l'atmosphère, mais des paillettes qu'on a interdiction de voir en temps normal. Et là, en fait, je ne sais pas si c'est Dame Nature ou autre, en fait, qui nous l'offre, en fait, à ce moment-là, en fait. Est-ce que c'était un dérivatif aussi, justement, si on fait moins l'amour, il faut danser plus? Oui, la danse, c'est un palliatif au sexe qu'on n'a pas. Je crois qu'il y a autant de plaisir dans la danse que dans le sexe. C'est très difficile de dire un truc pareil, mais je crois que c'est le même épuisement, c'est le même plaisir d'être proche des gens et tout ça. C'est plein de beaux souvenirs. Donc, la danse, oui, la danse, c'est un peu le sexe du pauvre. Oui, c'est. Mais la rave n'avait pas un côté sexuel, comme vous pouvez aller le chercher en boîte de nuit, en fait. Hein. On n'allait pas en rave pour se faire un mec. Hein. Et l'orgasme, on le trouvait à travers la musique, en fait. Hein. Je ne dis pas que c'était complètement asexué non plus. Hein. Je ne vais pas dire que voilà, on n'avait pas de vie du tout. Hein. Mais ce n'était pas le but. Hein. Et vous jouiez avec la frustration aussi pour les danseurs. Bien sûr. Hein. C'est ça. C'est ce qui est génial, c'est qu'à un moment, voilà, vous êtes en plein dedans avec une énorme basse. Et puis hop, vous coupez la basse. Hein. Et là, tout le monde devient fou, en fait. Hein. Et là, vous pouvez jouer 5, 10, 15, 20 secondes. 20 secondes, c'est énorme. Hein. Sur un dance floor de 2-3 000 personnes, vous les laissez 20 secondes avec une nappe sans basse. Ils la sentent, ils savent qu'elle est là. Et là, voilà, et là, vous jouez avec les potards et vous la remettez. Et là, tout le monde explose. Et, Et c'était ça aussi qui était important pour vous dans la rêve, dans la techno, dans les free parties, cette mixité sociale et Carrément, c'est le seul endroit où vous pouvez rencontrer des architectes, où vous rencontriez, des bouchers, tout ça, ça se mélangeait, on buvait ensemble, on faisait la fête ensemble. Je veux dire, il n'y a plus d'endroit comme ça. Parce qu'on dit souvent, on entend souvent en tout cas que justement la techno, ce mouvement-là, il était quand même très blanc. Il était blanc parce que déjà, d'une, ça venait d'Angleterre, mais l'Angleterre, ils avaient des sound systems, ils étaient souvent avec les Anglais, les Jamaïcains, etc. C'était pas du tout pareil. C'est vrai qu'en France, c'était plus difficile et qu'en France, on est écouter du rap, c'est complètement culturel. Et donc vous retrouviez un peu aussi ce que vous critiquiez dans votre jeunesse, c'est-à-dire le fait que, en tout cas, ça se mélangeait pas entre noirs, entre maghrébins, entre blancs, tant que ça finalement. Non, ça se mélangeait pas. Mais après, il y avait quand même une possibilité avec la techno. Mais c'est vrai que ça a été dur et qu'ensuite dans le mouvement techno, il y a eu des gens pas très blanc-bleu hein, non plus là. On a vu des trucs, la brigade anti-caille, on a vu des trucs arriver. Attends, au secours, c'était quoi? Oh, c'était des gars qui étaient contre les racailles, parce que ce mot-là est apparu à peu près dans ces années-là. Hein. Moi, j'avais jamais entendu ce mot-là, racaille. Hein. Je suis tombée des nues. Hein. Ah bon? Bah oui, dans le mouvement aussi, il y avait des gens qui étaient racistes. Et là, ça s'est infiltré comme partout. C'est pour ça que vers les années 2000, déjà, c'était un peu plus difficile à vivre et que moi, j'ai arrêté un peu la free party, etc. Parce que ça prenait une tournure, qui correspondait plus au début. C'était un mouvement libre, ça s'est délité. Ça s'est transformé en plein de petites autres choses, parce que mine de rien, les jeunes, ils continuent. Hein. De 92 à, à 98, hein, ces 6 années, c'était vraiment, on trouvait de tout, quoi. Ça allait vraiment de l'ingénieur au petit mec des cités. Après, justement, 99, 2000, tout ça, c'est un petit peu fascisé, je trouve, en fait. Hein. Vraiment, dans les tenues, tout le monde est habillé en militaire. On a une arrogance assez facile vis-à-vis de, des gens différents, en fait. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup dérangé. C'est pour ça que je suis partie de... C'est devenu un peu sectaire. Voilà, sectaire, mais disons, avec les nouvelles générations qui n'ont pas spécialement compris, en fait, le message primaire, dirons-nous, de la rêve, en fait. En fait, ils sont partis sur des schémas qu'ils ont peut-être un petit peu trop raccourcis, écrasés, et qui étaient beaucoup moins ouverts et libertaires, en fait, tout en pensant être libres, en fait. C'est ça qui était dommage, en fait. Hein. Ça manquait de fraîcheur, de joie de vivre, en fait, un petit peu. Et là, il y a eu un renouveau à partir de 2005 qui persiste, en fait, qui continue à vivre et que je trouve très positif, en fait. Le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, vient de déposer un amendement devant le Sénat. Il entend soumettre ces grandes fêtes techno-clandestines à une déclaration préalable auprès des pouvoirs publics. Le milieu de la musique électronique dénonce un texte liberticide et sécuritaire. Alors non seulement cet amendement prévoit donc la déclaration préalable, sur laquelle devra figurer les mesures pour garantir la sécurité, l'hygiène, la tranquillité publique, mais aussi la possibilité de confisquer le matériel de sonorisation. C'est le moyen le plus efficace, estime Thierry Mariani, député RPR du Vaucluse. Il est à l'origine de ce texte, mais le but n'est pas d'interdire les rassemblements techno, précise de son côté le ministère de l'Intérieur, mais de légaliser ce qui ne l'est pas et ce qui n'a jamais été. Alors ça s'est passé précisément en 2001. Un député, donc, qui était à l'époque RPR, c'était Thierry Mariani, avait subi une grande rave vers Orange, dans la région d'Orange, du coup, qui avait laissé beaucoup de déchets, de dégâts. Et ça, ça correspond à ce que je vous disais, c'est-à-dire une présence de plus en plus importante dans ces raves, un public difficile à initier parce que trop nombreux, peu au courant des valeurs premières de ce mouvement qui venait purement consommer. Alors là, on retrouverait la société de consommation qui avait été chassée par la porte, qui revenait par la fenêtre. Enfin, c'était vraiment ça. Il a proposé donc un amendement, je crois que c'était en mai, la loi sur la sécurité quotidienne, la LSQ, et l'amendement a été intégré à la loi sur la sécurité quotidienne en octobre 2001. Pour la France, c'était la musique amplifié. Et le décret disait sur un terrain susceptible d'accueillir 250 personnes. Donc ça veut dire qu'on pouvait être deux sur ce terrain à écouter de la musique amplifiée. Si le terrain était susceptible d'accueillir 250 personnes, on était sous le coup de la loi et donc le son pouvait être saisi, etc. etc. Et la menace, c'était ça, c'était la saisie du matériel. La saisie du matériel, des peines de prison, des amendes, bien entendu. Hein, mais c'est surtout la saisie du matériel qui était particulièrement traumatisante pour les organisateurs parce que c'est un peu leur vie. Hein, c'est-à-dire pour les centres-systèmes nomades, d'autant plus, hein, ceux qui vivent dans leur camion, parce qu'on peut aussi saisir leurs camions qui sont leur maison. Puis après, il y avait des économies parallèles, hein, la vente de drogue. C'était une économie qui tournait entre nous, en fait. Hein. Les ventes de t-shirts et les ventes de vinyle aussi, puisque aussi, à un moment, on est tous devenus producteurs de musique aussi. Hein. Parce qu'à l'époque, il était hors de question de se faire payer, de toute façon, dans une rêve underground. C'était le principe, en plus, de ne pas se faire payer. Enfin, Oui, alors ouais, oui, mais là, le terme de free party, c'est pas la gratuité, hein, c'est la liberté d'esprit, en fait. Hein. C'est ça, justement, c'est là un peu le problème des Français, en fait. Ils ont cru que voilà, tout était gratos, que c'était cool, c'était free. Voilà, non, c'était pas ça. C'était justement, c'était... De l'échange, du troc. Ouais, liberté d'esprit, en fait. Hein, free mind, en fait. Hein, c'était ça, enfin, c'est ce que voulait dire le mot free party, en fait. Hein. Ça s'est dégradé dans les années 2000. Moi, c'est là où j'ai complètement arrêté d'y mettre les pieds parce que, justement, quoi, il y avait cette vulgarité de gratuité, tout le monde, enfin, voilà, quoi. La jeunesse n'avait pas spécialement compris, en fait, le message, les prémices, en fait, de ce mouvement, en fait. Hein. C'était quelque chose qui se pervertissait, qui s'aliénait. Et en revenant à l'underground, finalement, en se cachant de nouveau, en refaisant des petites fêtes, etc., on retrouvait un esprit premier qui était perdu pour beaucoup, qui a peut-être donné un second souffle à ce mouvement qui continue. Mais le grand fantasme de ces dernières années, je parle des années 2010, c'est cet imaginaire berlinois, en fait. Jean-Yves Le Berlin est une ville qui compte beaucoup de lieux désaffectés ou abandonnés, qui sont peu à peu repris, mais qui en comptent encore beaucoup. Il est probable que le Berghain soit une sorte de capitale ou d'image ou de symbole même de ce que recherchent aussi beaucoup de soirées, de ce qui se développe en Europe et ailleurs. Le Berghain, effectivement, c'est un lieu où la photographie est interdite et où tout est permis, qui est un lieu plutôt gay, hein, avec donc des backrooms, avec une sexualité souvent assez un peu cuir, assez hard, SM, qui est totalement assumée dans certaines parties du lieu, et puis d'autres parties plus dance floor, plus dédiées à la musique, avec donc la voix, une liberté sexuelle, une liberté de mœurs, une liberté effectivement de consommation de stupéfiants totale, de manière d'être totale, de tous les looks. Effectivement, c'est un lieu très ouvert, très très très safe. Quoi que vous ayez envie de faire à l'intérieur, cela vous sera pardonné à la sortie, on pourrait dire ça. J'avais besoin de créer une fête qui ressemblerait à ce dont j'avais envie. Et donc, je suis allé faire le tour de Aladin Charny. Tous les lieux vides que je connaissais. Et en l'occurrence, il y avait ce volume-là que j'avais repéré il y a des années. Je sentais qu'il y avait quelque chose là. On avait ouvert le Frigan Pony, qui est un restaurant de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et je me suis dit, mais c'est parfait, en fait. Là, il y aura le Frigan. Au milieu, il y aura des espaces culturels. Et puis, sur la droite, des événements plus festifs. Et voilà comment ça a commencé, en fait. Puis, les choses ont pris un peu d'ampleur. Beaucoup d'ampleur et c'est ce que c'est aujourd'hui. L'équipe et moi-même, on considère les gens comme du public. Ce ne sont pas des clients. Ils le sentent, ils le voient bien. Les tarifs qu'on applique ne sont pas des tarifs de lieu habituel. Donc déjà, l'intention n'est pas la même. Quand ils arrivent au Péripat, ou d'ailleurs au Pipi Caca, ou au Poney Club, ou au Moncé, il y en a eu d'autres lieux avant celui-là, ils ressentent de même que l'intention est différente. Et donc, eux-mêmes sont différents. C'est un discours qu'on retrouve énormément aujourd'hui dans les années 2010, où le désir de consommation de certains types de stupéfiants, d'une pratique de pratique sexuelle beaucoup plus débridée, se fait véritablement sentir, et ni les festivals, ni les clubs, les discothèques, qui sont naturellement régis par des codes assez rigoureux en termes d'accueil du public, de sécurité, et qui peuvent être très facilement fermés par la préfecture, ne peuvent plus garantir à leur public. C'est la raison pour laquelle il y a autant aujourd'hui, dans Paris ou dans la Grande Couronne, dans ce qu'on appelle le Grand Paris, des soirées, ma foi, très amicales, qui peuvent être assez extrêmes d'un point de vue musical, du point de vue de certaines pratiques sexuelles, mais qui se font dans une atmosphère assez débridée, bienveillante, très amicale. Tout est permis pour ce type de soirée. Vous pouvez avoir des anciens entrepôts de la voirie sous le périphérique. Vous pouvez avoir d'anciennes caves qui sont pendant quelques mois ou un an ou deux aménagées en club éphémère. Bien sûr, dans des squats aussi. On va pas refuser un mec qui a 50 ans. On va pas refuser une fille dite pas belle, parce que dans certains clubs, les physios à l'entrée vont dire ah non, mademoiselle, c'est pas possible. Bon, on sait ce que ça veut dire. Il y a des trans, il y a des prostituées, il y a des jeunes, il y a des jeunes, non. Pas trop non plus. Alors pourquoi pas trop de jeunes? Moi, j'ai commencé à sortir très tard. Et puis à un moment, j'ai pris conscience que dans un lieu de fête, il y avait des jeunes de 18 ans. Et je me suis rappelé, moi, à l'âge de 18 ans, comment j'étais, ce que je faisais, et je me suis dit, mais c'est pas possible. À cet âge-là, j'aurais pas pu survivre à tout ça, quoi. C'est trop fort. Au Péripat, il se passe des moments trop forts. Il y a des personnes qui sont nues parfois, ça tout le monde le sait, on va pas le cacher. Il y a des personnes qui font l'amour, on va pas se le cacher non plus. Donc je trouvais que pour des jeunes de 18, 19, 20, 21 ans, c'était trop. Ils avaient tout le temps pour vivre tout ça. En plus, au Péripat, pour ça, les choses sont fortes et les gens en sortent bouleversés. Donc je me voyais mal infliger ça à des jeunes. Donc j'ai dit allez, 23. Come on, dance with me, move your body, dance with me, move your body, dance with me, move your body, dance with me. Justement, ce côté Alain Charny d'une fête où on peut aussi faire l'amour, c'était quelque chose qui était important pour vous? C'est juste une fête où les gens sont libres. Et donc il y a des personnes qui ont commencé à faire l'amour et personne leur a interdit de le faire. Pour moi, c'est pas un produit marketing. Je me suis pas dit tiens, demain on va laisser les gens faire l'amour. Non, c'est en fait une personne a commencé et puis deux, on les acceptait comme ils étaient. À partir du moment où on n'empiétait pas sur la liberté, qui sommes-nous, qui suis-je pour dire à quelqu'un non mais là ce que tu fais c'est pas normal. En fait, non, je préfère qu'ils le fassent et les accompagner à travers de la prévention parce que à chaque événement on a une dizaine de bénévoles qui sont là pour faire de la prévention sur tout ce qui est IST, MST. Donc en fait on accompagne les gens plutôt que leur dire ce que tu fais me déplaît quoi. Moi je trouve ça beau. On est dans une société et surtout dans une ville à Paris où il y a une telle pression immobilière, financière, sociale sur les épaules des jeunes qu'ils ont besoin de ces espaces de liberté. C'est un besoin vital. Moi j'ai pas ce besoin parce que je vis en squat, donc je suis délesté d'énormément de choses et que je vis très bien comme ça et je peux très bien vivre sans fête. D'ailleurs la fête je la fais chez moi dans mes squats, mais pour plein de gens c'est vital. Allez dire ça à un politique, il l'entend pas. Pour lui, c'est pas nécessaire. Eh bien, si, parce qu'en fait, c'est dans ces moments-là, c'est la nuit, qu'on quitte notre habit de journée, on est quelqu'un d'autre, on se permet d'être quelqu'un d'autre, on n'a plus ce masque. Ou là, on peut en mettre un autre d'ailleurs. Certaines personnes mettent un autre masque et elles se permettent tout et n'importe quoi. Elles se permettent de perdre connaissance en buvant beaucoup trop ou en prenant trop de drogue. C'est vital. Mais je peux concevoir que ce ne soit pas audible pour tout le monde. Merci à Aladin Charny, Guillaume Kosmiki, Josie Jean-Louis, Jean-Yves Leloup, Didier Lestrade, Cécile Mulot et Chloé Thévenin. Merci aussi à Adila Benedjaizou, Clément Salzar, Gisèle Vienne et Gilles Mardi-Rossian. Prise de son, Gilles Gallinaro et Olivia Branger. Archivina et documentation musicale, Annie Lozana, Marie Chauvin et Antoine Villouze. Mixage, Claude Niort.